Voici votre bulletin régional. À Hastings, le 22 février, de 19 à 22 heures, partie de cartes au profit du comité des loisirs des résidences du Haut-Saint-François, au 82 rue Grondin. Coût 3 $. Bain et café servi en soirée. À Hastings, le 23 février, début des cours d'informatique et de tablettes au SADC du Haut-Saint-François. Information 819-832-2447. À 8h30, le 24 février, à la salle du Chevalier de Colomb d'Hastings, l'Entourlaine tiendra son déjeuner brunch mensuel.